idées empruntées à la télé. Monde à ses coutumes, chacun a son costume. Tout le monde est imposteur, chacun est son propre héros. Dans son coin, tout le monde fait le même rêve porno de se tenir la main. À Cash City, tout le monde veut être quelqu'un, car personne n'aime personne. Tout le monde veut être quelqu'un avant que le glam sonne. Tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde. Seul à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Et oui, restez toujours à l'écoute d'Antenne 87, 16h passées de 34 minutes en ce dimanche 11 janvier 2026 après Jésus-Christ. Déjà le 11. Ça passe vite. Hein. Il y a 11 jours, on était là en train de faire les andouilles. Eh oui. Et là, ben, on est toujours en train de faire les andouilles. Oui, 11 jours plus tard. On a évolué. Moi, je trouve qu'il y a une constance. Oui, chez nous, qui est remarquable. Consurstance, peut-être moins, mais... Et mine de rien, on approche de la chandeleur. Hein. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je dis toujours, calmez-vous, on va faire des crêpes. Ouais, ouais, alors je suis toujours partant. Moi. Oui, bah, tu fais déjà la crêpe. Ah je bah, préfère souvent. Les crêpes à la galette, personnellement. Mais enfin, tout le monde s'en fiche. Complètement. Ah bah là, ah mais si tu savais... Oh là là, vous êtes un petit peu lent. Hein, on nous a tendu la perche. Ouais, ouais, ouais. Bah, oui. Tant mieux. Ok, et c'était très sympa ce petit Cash City. Hein, c'était... Ça fait partie des indémodables. Ouais, ouais, on te voyait danser, chanter. Oui, alors moi j'ai carrément dansé. Là. Ah, t'appelais ça comme ça, toi. Oui. Moi je pensais qu'il y avait une bestiole qui était rentrée dans le col de ouais, moi aussi. Moi aussi. Et tiens, ouais. Elle fait une allergie à l'assouplissant. Rentrez où? Oui, bah 50. Voilà, je suis vivante. Je suis vieille, mais vivante. C'est le pull de laine. Avant la chanson c'était je suis cocu mais je suis content, là si je suis vieille mais je suis content. Je crois que ça va me rester ça. Ouais. Je suis vieille mais vivante. Oui. C'est un état de choses qui peut encore changer. Il faut célébrer ça, la vie. Tout un programme. Hein. On sait que bon, laissez-moi dans ma philosophie de début d'année. Ben justement, vu que tu as parlé. Ah. Pour une fois. On va parler de Madame avec propriétaire. Alors, c'est une chanson de 1987 et c'est un groupe fondé en 1981 et qui a été dissous en 2000. Oh, ils ont belle carrière. N'est-ce pas? Et dans le clip d'une autre chanson qui s'appelle Où est passé Roger, on peut voir Luc Merville. Très ça, bien. Ça cause pas Luc Merville comme ça. Alors, moi, ça ne me cause pas, mais tout de suite, tu vas nous dire. Oui, bien sûr, c'était Grégoire dans Notre-Dame de Paris. Très bien. Et parfait. On en revient de nouveau à Notre-Dame c'est de Paris. C'est très Notre-Dame de Paris. Hein. Bah, il y a eu beaucoup de. Bah, beaucoup de chanteurs sont. Moi, je émergé de, grâce à cette Julie Zinati. Je me souviens de Noah, la chanteuse Noah, hein, pas le chanteur. Oui. Parce que, et qui avait fait aussi une très très belle Esmeralda. Oui. Mais donc voilà, on en revient encore à la même chose, comme quoi beaucoup d'artistes ont émergé de, grâce à ces comédies musicales. Oui, oui, oui, ce sont des plateformes géniales. Hein, pour. Nous, on avait quand même connu déjà avant Hélène Segarra, mais. Non, ça redonnait un boost à ça. On discute, on est sérieux, on donne de l'info. Et là, il y en a deux qui sont perturbants, quoi. On n'a rien, hein, on n'a rien dit de méchant. Hein. Indisciplinés, hein. On a juste presque que... un peu irrespectueux, j'ai envie de dire. On a juste dit que tu étais très instructionné. Ben oui, c'est tout. On va les claquer. Ah, mais non, on ne peut pas, c'est notre patron. Du coup, c'est tout sur Lui, il n'est pas patron, donc on peut. Du coup, ça va être pour Vava. Donc, on en revient à ce qu'on disait. Ouais, comme on quoi, parlait des comédies musicales. Beaucoup de comédies. Bah, Garou, on l'a quand même connu grâce à Notre-Dame. Absolument. Qu'est-ce qui. Franchement, cher auditeur. Heureusement qu'il n'y a pas la vidéo. Cher auditeur, vous ratez des choses. Tête à claque, là, tous les deux, là. Là, aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous avez. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas la vidéo. On a rien c'est fait. Bien parce que je peux pas, mais. Vraiment falloir filmer la prochaine fois. Ils sont moqueurs. Allez, Jeff, continue de dire des choses intéressantes et instructives. Non. Et si on se faisait un spécial comédie musicale à dimanche? On va peut-être déjà essayer de finir l'émission. De passer les musiques. Moi, j'ai des tests. Oui, non, mais accessoirement, si on pouvait aussi passer quelques musiques et finir l'émission, ce serait bien. Eh ben, vas-y, quoi. Attends, lance. Ah non, mais. J'ai quelques petits mots si vous voulez. Moi, j'attends, hein. On t'écoute, Julien. Il est où le traitement, s'il vous plaît? Bon, allez, je coupe le micro, tiens, je m'en vais. J'ai Colline qui nous dit trop top cet après-midi. On est en famille et on vous écoute. J'adore. Merci, Colline. Irène, super émission et super ambiance, comme tous les dimanches, c'est génial. Mais merci aussi, Irène. Heureusement que vous êtes là. Et Johan, encore un très beau moment avec vous tous. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour Cognac G. Moi, je crois que ça veut dire que je peux continuer de parler. Non, t'es dedans. Ah non, pas de menace. Ils n'ont pas dit ça. C'est pas ça qu'il fallait comprendre. Mais non. Coupe le micro. Regarde. Hop, tac. Alors, on va continuer. C'est pas grave, je vais parler plus fort. Aïe. Allez, vas-y, Jeff, on t'écoute. On continue, Jeff, vas-y. Donc, ensuite, c'était prévu, c'était la chanson de Marjo. Les chats sauvages. Oui, tout à fait, en 87. Alors, Marjo, de son vrai nom, Marjolaine Morin, née le 2 août 1953 à Montréal, et a fait partie du groupe Corbeau, de 78 à 84. C'est joli comme nom. N'est-ce pas? Les Corbeaux. Je connais pas. Un groupe de quoi? Pop rock ou non? Pop rock. Ouais, pop rock. Bon, de toute façon, vu pop les années... Pop rock, mais cajun. Oui, c'est un peu... Ouais. Le Canada n'est pas que cajun. Ah ben non. Tu vois, c'est bien aussi, elle rebondit pas mal hein, quand on dit bah, arrive. C'est normal. C'est pour ça qu'on l'appelle la balle. C'est trop de la balle. Il percute. Il percute du droit. Et il nous met une douille. Bon. Moi, je ne sais plus du tout. Oh, moi, moi j'aime tirer. On les bute. Ils auraient pu lui dire qu'il est canon. Mais bon. Je tiens plus du boulet que du canon quand même. Hein. Ça y est, vous avez fini parce que là. Je pas dit, parce c'est vraiment un affreux joujou ici. Là, ça tire à vue. Ah bah. Ouais, il y en a qui tirent au flanc, on tire à ce qu'on peut. C'est ça. Bon, allez, musique, maestro. Ouais, maestro. Allez, à tout à l'heure. D'amour. Marjo, les chats sauvages sur Antenne 87. Sympa Marjo, moi j'aime bien. Ah oui, mais on l'entend souvent sur la bande son, vous l'entendez l'après-midi dans le non-stop de Fabien. Tu l'avais mis, il me semble, dans la médiathèque. Mais toutes les musiques canadiennes, c'est pour ça qu'encore une fois, c'est dommage qu'elles ne soient pas plus mises à l'honneur, parce que toutes celles qu'on a entendues jusqu'à présent, franchement, elles sont bien. Quoi. Ah, oui, oui, c'est dommage que ça reste uniquement au Canada et pas sur notre continent aussi. Justement, mais heureusement, c'est sur Antenne 87. On a remédié à ça tout à l'heure, hein, à 13h, on a fait le nécessaire. Ouais. Là, je vous propose de repartir avec Martine Sinclair. À la plage? Oui. Rien à voir avec Bob. Mais c'était sûr que c'est Moran, c'est ça. Oh, d'accord. Ou l'éponge. Bah. On a des Bob. Il a un pont un carré, l'autre. C'est ça. C'est ça. Alors, Martine Sinclair, Martine No. Née le 22 juillet 1962 à Montréal. Elle commence sa carrière dans la version québécoise de Starmania. Tu vois, on reste encore dans les comédies musicales. Elle jouait le rôle de Crystal. Et en 1981, elle enregistre le titre « L'amour est mort » en duo avec Gilbert Bécaud. Mm-hmm. Qu'elle venait de rencontrer. Voilà, ça a tellement bien fonctionné, la rencontre, qu'ils ont sorti cette chanson. Et la chanson que nous allons écouter, donc ce soir, L'amour est dans tes yeux. Pourquoi tu me regardes? C'est peu de romantisme. Moi, je vous dis qu'il se passe un truc entre ces deux-là. 20-20, viens, on s'en va. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Et la chanson a été écrite. La chanson a été écrite par un grand nom de la chanson, Claude Michel Schoenberg. Ah, je connais le premier pas. Ah, entre autres. Aussi. Entre autres. C'est celui entre qui a, alors, autre comédie musicale, c'est celui qui a écrit quand même Les Misérables. Oui, tout à fait. Et qui a épousé une grande animatrice télé. qui est devenue Béatrice Schoenberg. Tout à fait. Et contrairement à ce qu'on pense, tu parlais 2020 de le premier pas pour beaucoup. Le premier pas est une chanson dédiée à... Eh ben non, c'est pas dédié à sa femme, parce qu'il a écrit la chanson avant de rencontrer sa femme. Voilà. Et puis il a peut-être eu une femme avant une autre femme. Ça arrive dans la vie. Ah bah chacun fait ce qu'il veut avec sa vie. Hein. Et malheureusement, on terminera l'émission avec... l'heure tourne. On va être obligé de se quitter là tous. Vivement. Et on aura ensuite Mitsu avec Bye Bye Mon Cowboy. Ben voilà, t'as totalement l'idée. Bye bye, cowboy. Mon cove bois. Ah, j'ai une dernière petite dédicace avant de quitter. Thomas, bon dimanche, les amis, c'était super. Merci Thomas. Merci. On reviendra si on peut, si on n'est pas viré. Non, si on n'est pas embauché. Le regard noir de mon patron. Ah non. Ah, je reviendrai pas moi. Ah non. Bon, ben, tant pis, c'était bien. J'ai bien aimé, moi, faire un peu de radio. Calimero. Allez, Jeff, à toi. C'est vraiment trop injuste. C'est trop injuste, absolument. Sacré coquille. Alors, bye bye, mon cowboy de Mitsu. Oui. Donc, Mitsu Gélinas. Et pour la petite info, son ancêtre paternel était originaire de France, puisqu'il était originaire de Sainte. Dans le sud de la France. D'accord, oui. Parce qu'il y a plusieurs Saintes. Non, mais Sainte, voilà, c'est du côté de Toulon, si j'ai bonne mémoire. D'accord, ok. Bon, bah, très bien. Moi, je connais Sainte sur la côte atlantique. Ben, peut-être. Bah si, Sainte, c'est à côté de... C'est dans le 17. Oui. Dans le 17, Charente-Maritime. Maritime, oui. Non, il y a plusieurs Saintes. On fera les recherches, alors, si c'est dans celui-là. Pour moi, Sainte, c'est en Charente-Maritime. C'est ça. Très bien. Allez, on repart avec Martine Sinclair. Ce soir, l'amour est dans tes mains. C'est étrange dans tes yeux. nos infos sur notre page Facebook, site internet et Twitter. Bye bye mon cowboy. Ah oui, bye bye. Apparemment. Ça, ça bouge bien. Oui, ça bouge, oui, Jeff. Bien. Comme on disait en antenne, ça rappelle les B-52s avec ouais. Love Shark. C'est vrai. Cache-toi derrière ton ordi, toi, je te vois. Ça bon, bouge. De là à dire, ça bouge bien. C'est ma main. Oui, c'est vrai, je me suis peut-être c'est un petit peu emballé. C'est ma main. Faut pas chercher. Ça fait même penser à Kid Creole and Coconuts. Ah un oui, petit ça peu. C'est bien. Absolutely. Ouais, absolument. Un petit peu. Ouais. Vraiment, vrai. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec le monsieur, moi. Because. Il est 17h, passé de 2 minutes. C'est l'heure, malheureusement, ou heureusement, surtout pour moi, de rendre l'antenne. Voilà, c'était donc un Antenne Dimanche spécial musique du Canada et Acadie. Acadie. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu, mais vu les dédicaces, ça a l'air d'avoir bien plu. En direct de Vancouver. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus de vent là, mais c'est couvert. Tu le prends pour Véronique Sanson. Sanson. Ouais. Oh là là. Ah oui, il est c'était bon. Des belles Sansons. C'était belles Sansons. Des très belles Sansons. Voilà, je remercie Jeff pour la production de cette émission. Bah de rien. Il est viré, bien sûr. Donc il cherche un emploi à partir de demain. Il est viré. Oh, merci à toi, le vilain, à côté. 36-15 qui n'en veut. Ouais, 36-15 qui n'en veut. Voilà, je remercie toute l'équipe pour la réalisation. Merci pour la communication, d'avoir relayé l'information. Forcément, c'est leur boulot, on va dire. Et voilà, je remercie énormément les auditeurs pour vos messages de soutien, d'amour, d'amitié, de ce que vous voulez. Et on se retrouve donc dimanche prochain avec l'Antenne Dimanche et cette fois-ci des invités. Oh, génial! La fabrique de Meurverdet. Voilà, on annonce déjà la couleur. Donc la, dimanche prochain, ça sera un peu plus collégial avec, avec des invités. Fabrique. Attends, nous on a mis le paquet ça quand précise même. Précise pas, fabrique à nous quatre. De Meurverdet. Oui, mais c'est, tu précises. La fabrique ils seront là pour ça. Ils fabrique de. Bah, ils seront là pour ça. Justement. Ah, d'accord. Ok. Donc, on ne saura pas plus. Tu verras ça dimanche, Vavin. Je pense que ce sera plus culturel que ce qu'on a essayé. Chers auditeurs, j'aurais essayé de vous tirer les verres, mais il n'y a pas moyen. Vous verrez, la communication parlera dès mardi prochain. C'est d'accord. Ce qu'on appelle un teaser. Oui. Teaser. Voilà, c'est celui qui boit beaucoup. Ouais. Mercredi, vous retrouvez, bien évidemment, Vavin et Jeff pour Rétroviseur 80. Ou pas. Rétro 80. Rien ça suffit. J'espère qu'il neige. Ouais. On verra bien déjà, oui, les conditions climatiques. Ouais, c'est ça. Voilà. Ou pas, oui, c'est vrai. Non, ça devrait aller normalement. Ouais, la semaine devrait pas être trop mal. Neige qu'il y a eu là, ça a été un peu compliqué. Non, ça... non, il n'y aura plus de neige, malheureusement. Bon. Samedi, vous retrouvez Alex. Absolument. Je serai avec une invitée toujours plus surprenante. Mais on va quitter le domaine artistique pour aller dans quelque chose de beaucoup plus social. Mm-hmm. Ça va être un sujet un peu sensible, l'accompagnement des gens qui ont eu un cancer. D'accord. Voilà. Donc voilà. On va parler d'une association très active et d'une personne qui a beaucoup, beaucoup à nous apprendre. Ben voilà, le programme est lancé pour cette semaine. Alors, petite nouvelle, hein, samedi après-midi prochain, il n'y aura plus le Big Cactus Country. On nous quitte, mais vous retrouverez autre chose très bientôt. On en parlera la semaine prochaine. Voilà, il y a des choses qui font, ben, tout change. On est déjà sur le coup. Eh oui, toujours rebondir. Action, réaction. Action, réaction. Absolument. Cette semaine, la matinale, le Radio Réveil de Malvin s'arrête. Non pas parce que l'équipe s'en va, au contraire, on reste, mais on se concentre sur d'autres choses. Et exceptionnellement, la matinale sera à l'heure du goûter. Voilà, à l'heure du goûter. Non, c'est pas ça. Voilà, donc la matinale, le Radio Réveil de Malvin s'arrête au bout de 3 ans. Mais, vous retrouverez Guy Guenny à partir du lundi 19 janvier à 7h pour une nouvelle matinale encore beaucoup plus riche. Et encore plus proche de vous, ça va être assez. Ça veut dire qu'on n'aura plus le perfusion. Et non, on ne peut pas tout avoir. Oh, c'est pas possible. On ne peut pas tout avoir. T'as vu, ah Jeff, on a réussi. On a réussi à s'en débarrasser. Faut que je m'en aille. Fini alors, le latin, fini le grec. Mon premier est la racine latine. Non, c'est terminé, ça. Ah. Un suffixe grec. Faut savoir malheureusement évoluer. Voilà. Mais c'est comme ça. C'est... Grâce à vous, chers auditeurs, on est obligé d'évoluer. Allez, on va se quitter avec Octobre, la maudite machine. Oui, c'est sympa, en clôture. Machine. Et je vous souhaite un excellent dimanche. À 18h, vous allez retrouver Bob Scherer avec le Groovy Sound. Et 19h30, Backspin 80 avec le duo Choc, Cristobal et Titi. Et à 21h30... Ah, faut pas oublier là. Six, seven, I love one more de Yann. Il arrive en même temps que Vavin, ce sont des amis très c'est intimes. C'est oui, oui, oui. On est presque des amis intimes. Ouais. Et Jeff, bon anniversaire de la radio, un an. Ah, bah oui. Ah oui, c'est bravo, vrai. Jeff, bah, oui. Un an. Un an déjà. Bravo, ah, et dis donc. Un an joyeux de bons et loyaux services. Voilà. Donc, alors, ça fait quoi, un an de radio? Ben, ça fait 365 jours. D'accord. T'es un poète, toi. 366. C'est un poète. Des années. Voilà, donc un an d'émission, un an de chronique, d'infos, de météo, de beaucoup de choses. Programmation. Programmation, oui, beaucoup. Oui, très bien, oui. Ah oui, arriver en tant qu'intervenant et puis rester en tant qu'animateur. Parce que première mission, c'était mois d'octobre. Et j'étais juste venu pour présenter le monde de la country des gens. Et puis voilà, après Loïc m'a dit bah, y a de la lumière, si tu veux rentre. Je l'ai menacé. Quelquefois il fait chaud, bon c'est pas le cas aujourd'hui, hein. On doit quand même dire qu'on a souffert. Hein. Ah, il n'y a pas le chauffage aujourd'hui, ouais, ça arrive. Il n'y a pas le chauffage, mais et puis je suis resté. Eh oui, on l'a menacé, il est resté. pour le bonheur de tous, parce que voilà, tu nous apportes tellement dans tes programmations. Voilà, c'est un an. Et aujourd'hui, bon, il n'est pas avec nous, mais 3 ans de Malvine. Oh, ah, c'est fou, hein. Le temps passe vite. Et toi, Vavin, le mois prochain? Le mois prochain, ouais, oui. Dans 15 jours, à peu près. Ouais, 20 jours, à peu près. 20 jours, ouais. 20 jours, ça fera 3 ans aussi. Premier animateur, d'ailleurs, toi. Le tout premier. Oui, oui, oui, parce qu'avant, c'était les hébergés qui venaient nous voir. Voilà. Oui, c'est vrai. Comme quoi, les années passent. Moi, je serais viré avant de fêter mes 1 an, donc on n'en parle pas. Ah oui, ça, de toute façon, ça, oui, on ne va pas te garder trop longtemps. Et on n'est pas fou. Hein. Voilà, c'était la petite aparté, il fallait le dire. En tout cas, merci. Voilà, il faut savoir qu'il y a des animateurs qui, bon, il y en a, on en a connu qui sont passés en coup de vent, mais d'autres, voilà, sont restés, restent encore, je pense. Bah oui, oui, on est bien là. Voilà. Il fait chaud. Voilà, donc il faut savoir aussi les remercier, les mettre à l'honneur. Donc, bon anniversaire. Merci. Allez, excellent dimanche, bonne soirée à tous. Et bonne soirée merci à tous de votre énorme fidélité. Bonne fin de dimanche. diesel. Jabba the Fox breaks out the bottle. Antenne 87, votre radio locale. Yeah. that's what's been taken out the best of me.